instru. Ce n'est pas par hasard, j'ai tant de choses à dire, mais il est déjà trop tard. J'ai parfois cette sensation d'avoir loupé le virage, franchi la ligne entre la bonne et la mauvaise image. J'ai trouvé que ça pour me rassurer, me dire que c'est pas si mal et que pour le reste je vais assurer. La réalité est tout autre lorsqu'un beau matin un petit bout de chou vient frapper à ta porte comme certains. J'ai souvent pensé à en finir, mettre un terme au contrat de mon avenir. Pour je ne sais quelle raison je me suis accroché, la musique m'a aidé, ça je peux rien lui reprocher. Je vais rien apporter de plus, un peu de mon vécu. Je fais la queue comme un mouton, j'attends mon tour à la sécu. Ma vie est plate et lorsque j'aimerais qu'elle éclate, je ramasse mes dents sponsorisées par un coup de batte. Si tu veux retrouver le sourire, n'écoute pas ce morceau. Tu peux encore fuir ou faire lentement tourner le couteau. Rien de neuf dans ma ville, le calme plat. Peut-être quelques débiles en CAT Ibiza. Je ne juge pas, je constate les faits. Pour en arriver là, il a fallu quelques méfaits. Souvent livré à moi-même, les choix furent durs. Un adolescent inconscient des conséquences sur son futur. Élever un gosse à 16 piges, voler pour le nourrir. Sourire puis pleurer quand il a fallu faire quelques tiges. Je suis pas en train de me plaindre, je regrette rien. Mais dures sont les années où à Noël mon père n'apportait rien. Les épreuves forgent un homme, ou bien elles le détruisent. Pour ne pas tomber dans la folie, j'ai des réserves, je puise. À courir après son ombre, on finit par se perdre. À force d'avancer, j'ai mes semelles trouées remplies de merde. Si je prends le style à chou, qu'il m'en excuse. Mais dans ce monde de fous, pour être entendu, faut s'armer de ruse. En fait, j'ai pas grand chose, juste ma conscience, ma prose piquante comme une épine de rose. Passe du temps avec les miens, on se remémore les bons moments. L'époque où l'on fumait quelques joints.